ça existera toujours. Pourquoi pas la com? Y a aussi du boulot. On peut mieux se vendre. Le marketing permet de maîtriser ou comprendre son entreprise. On peut parler à des gens, c'est bien plus social. Travail en équipe est facilité par